Coucou, c'est Mathieu. Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, j'ai décidé de sélectionner des sponsors qui développent de chouettes initiatives pour les enfants. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la dernière collection de livres disponibles dans les menus Happy Meal de McDonald's. Grâce à la plume magique de Catherine Pancol et aux merveilleuses illustrations du duo Lespelli, vous suivrez Paloma, Enzo et leur chien Pippo dans de folles aventures aux côtés des plus grands héros de la littérature. Et ce mois-ci, ils vont être plongés dans l'univers que je préfère, celui d'Alice au Pays des Merveilles. Au cours d'une aventure riche en créatures farfelues et en personnages hauts en couleur, nos trois héros vont aider Alice à retourner chez elle en sauvant le lapin blanc. Pour lire cette histoire, rendez-vous dans votre restaurant McDonald's et retrouvez les livres de la collection avec votre menu Happy Meal. Bonne lecture! Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, voire le livre du moment au restaurant. Et maintenant, place à votre petite histoire. Les petites histoires de Tell Me. Prout et préjugés. Yolande était spéciale. Non pas parce que c'était la seule licorne de toute la grande forêt, ni parce qu'elle ressemblait à un curieux croisement entre une vache et un poney, non. Yolande était spéciale parce qu'elle pétait dès qu'elle mangeait. Et ses pets étaient très particuliers. Ils étaient pailletés, dégageaient une agréable odeur de vanille. Et si la plupart n'étaient que de petits pets mélodieux, certains étaient si puissants que Yolande filait comme l'éclair, faisait des bonds prodigieux et pouvait même s'envoler. Grâce à ce pouvoir, notre licorne grassouillette fut désignée messagère de la grande forêt. C'est elle qui portait à ses habitants nouvelles et autres paquets. Alors qu'elle entamait son tour de lac matinal pour se dégourdir les pattes, une bulle de savon vint se poser sur son nez. Yolande l'observa en louchant avant d'éternuer comme un éléphant. La bulle éclata. Des voix familières retentirent. « Rejoins-nous sans tarder. L'heure est grave. Immensément grave. » Les messages de Maître Hibou et Maître Tortue ne devaient jamais être pris à la légère. Aussi boulotta-t-elle un champignon et se rua à grands coups de paix vers le cœur de la grande forêt, là où siégeaient les deux vieux sages. Au pied d'un chêne millénaire, Yolande trouva Maître Hibou, qui faisait les 100 pas, l'air soucieux, au pied d'un énorme rocher usé par les siècles. Maître Tortue y était assis en tailleur, l'air serein, bien qu'il fût impossible de savoir ce qu'il ressentait. Joie, peine, horreur, jamais son visage ne quittait son air paisible et endormi. En voyant Yolande arriver, le reptile saisit un paquet et glissa de sa pierre. « Prends ce paquet et pars !» Sans tarder. Pour la sylve pétrifiée. Sauf votre respect, c'est inutile. Que dis-tu? Il n'y a personne là-bas, tout le monde le sait. Peut-être que tout le monde se trompe. Guider l'occulte y œuvre. Qui c'est ça? Un sorcier. Puissant. Le plus savant de la forêt. S'il est si savant, pourquoi vit-il dans un endroit tout mort? Il a ses raisons. Trêve de bavardage, Yolande. Pars sans tarder. Lui remettre ce précieux paquet. Comment je fais pour le trouver, ce Guider? C'est lui qui te trouvera. Yolande goba un gros champignon fourré de lichen et de carottes, hoqueta et s'élança toute pétante à travers la grande forêt. Vivre dans la sylve pétrifiée? Quelle drôle d'idée! Là-bas, rien ne vivait, pas le moindre brin d'herbe. Ni le moindre insecte. Même les cours d'eau n'osaient pas la traverser. Si quelqu'un vivait là-bas, alors ce quelqu'un devait être louche, très louche même. Surtout si Yolande n'en avait jamais entendu parler. Son premier sabot posé dans la sylve pétrifiée, Yolande s'arrêta net de péter. Des arbres prisonniers d'une roche blanchâtre se dressaient tout autour d'elle. Une épaisse brume s'élevait à quelques centimètres au-dessus du sol. Impossible de voir sur quoi elle marchait. Ça craquait sous ses sabots. Chaque craquement rebondissait en écho pour se changer en rire sinistre. Yolande frissonnait. Ses yeux roulaient de droite à gauche à l'affût du danger. Elle avança dans la forêt et eut très vite la désagréable sensation d'être perdue. Soudain, un grondement retentit. Un instant, elle pensa que son ventre faisait des siennes. Puis la terre trembla. Paniquée, Yolande s'emmêla les sabots et se retrouva sur les fesses. La terre se déchira, une gueule monstrueuse surgit du sol brumeux. Yolande se recroquevilla. La tête resta figée telle une statue de pierre. Soulagée, Yolande laissa s'échapper un petit paix. Un grognement inquiétant, mêlé d'étranges tintements, s'éleva des profondeurs. Yolande déglutit. Une ombre colossale, fendue par deux petits yeux jaunes, se découpa dans le fond de la grotte. Elle soufflait plus fort qu'un bœuf, et ça dégageait une odeur tellement insupportable que Yolande dut mettre les deux sabots devant ses naseaux. Une taupe plus ronde qu'un sumo émergea. Elle s'appuyait sur un bâton où pendouillait un tas de pierres trouées et d'étranges sculptures en bois. La pauvre Yolande lâcha un paix d'angoisse qui la fit décoller du sol. Yolande, la messagère. Vous êtes Guider? Non, je m'appelle Michel, éléphant acrobate, maître de la jonglerie pour vous servir. Mais qui voulez-vous que je sois? Avez-vous ce dont j'ai besoin? J'ai un paquet de la part de Maître Tortue et Maître Hibou. Parfait. Des fèves de l'arbre d'été, de la farine d'Epavitrius, des œufs, de la sève d'Érabilo. Absolument tout ce qu'il me manquait pour me débarrasser de cette horrible peste. Vous êtes malade? Vous dites? Vous parliez de peste. Oh, mais vous êtes aussi futé qu'une courge, vous, ma parole. Je suis pas malade. Déguerpissez, j'ai affaire. Frappé par la rudesse de Guider, Yolande fixa le sorcier en clignant des yeux. L'énorme taupe souffla, puis tourna les talons, laissant la pauvre licorne les fesses dans la brume. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi désagréable. En même temps, habiter sous terre dans un endroit aussi triste et aussi lugubre, sans personne à qui parler, ne devait pas aider. Yolande se décida à partir lorsqu'un bruit cristallin tinta. Elle tendit l'oreille. Il provenait des profondeurs de la gueule de pierre. C'étaient des pleurs, pas ceux d'une taupe obèse et mal aimable, mais ceux d'une petite chose fragile. L'écho d'une conversation lointaine remonta. Laissez-moi partir! Je vais faire mieux que ça! Je vais te faire disparaître! Yolande frémit. La grande forêt était un havre de paix. Bien sûr, il y avait des chamailleries et des rivalités. Mais aucun habitant n'aurait eu l'idée d'en faire disparaître un autre. Elle s'en voulait d'avoir fait confiance à une personne aussi louche. Poussée par la culpabilité, elle avança vers l'entrée de la grotte. Une brise tiède soufflait à intervalles réguliers, comme si un monstre était endormi. Yolande rassembla tout son courage et s'engouffra dans la gueule de pierre. Après quelques pas, elle fut plongée dans le noir complet. Le sol semblait devenir humide et mou, comme si Yolande marchait sur une langue gigantesque. Ça sentait si mauvais que ses yeux piquaient. Soudain, elle sentit des pattes gratter la terre juste au-dessus d'elle. Son cœur cogna très fort. Elle accéléra, trébucha et dégringola dans le tunnel. Sa chute fut amortie par une grosse flaque. Elle espérait que ce soit de la boue. En reprenant ses esprits, elle entendit quelqu'un chantonner. Un peu plus loin, une lumière pâle et bleutée brillait. Toute dégoulinante, elle s'en approcha sur la pointe des sabots. Elle s'arrêta derrière un gros rocher et découvrit la tanière de Guider. Le plafond et les murs étaient recouverts de mousse bleutée phosphorescente. Au centre, tout un bazar de pots de terre et de sachets était empilé autour d'un chaudron fumant. Guider était assis juste à côté, sur un imposant rondin de bois. Il tenait un énorme saladier dont il battait énergiquement le contenu à l'aide d'une grosse cuillère. L'attention de Yolande fut attirée par une petite cage en bois posée dans un coin. En plissant les yeux, elle aperçut une minuscule créature au pelage bleuté. Ses yeux étaient comme deux grands lacs. Yolande n'avait jamais rien vu d'aussi craquant. Jamais je ne mangerai ça. Les tiens ne résistent jamais à l'odeur d'un bon cookie. Faisons un marché, je reste et je deviens votre serviteur. Tu m'as pris pour un vulgaire humain? Tu n'as rien à faire ici, tu vas disparaître. La cruauté de Guider choqua tellement Yolande que son ventre émit des gargouillis. Un prout sortit et résonna dans toute la grotte. Guider posa son bol à terre, empoigna son bâton et se leva péniblement. Qui est là ? De quoi parlez-vous ? Tu as très bien entendu. La créature aperçut Yolande et lui lança un clin d'œil alors que la grosse taupe se mettait en mouvement pour inspecter les environs. Ne vous laissez pas distraire par un vulgaire bruit. Vous risqueriez de rater votre précieuse recette. La taupe fusilla du regard sa prisonnière et alla se rasseoir. On n'entendit plus que le bruit de la cuillère contre le bol. Guider finit par lâcher un grognement de satisfaction. La taupe se pencha pour saisir une grande plaque de métal et y étala plusieurs pâtés pâteux. Puis, à l'aide de son bâton, elle se leva et s'approcha péniblement d'une trappe en pierre encastrée dans le mur. Lorsqu'elle l'ouvrit, des flammes surgirent. « Calme tes ardeurs, feu ! Cuis-moi ces cookies ! Je les veux juste dorés !» Les flammes gémirent et rapetissèrent. Guider enfourna la plaque. « Et il ne brûle rien, sinon je t'éteins !» Le sorcier retourna s'asseoir en maugréant. Quelques secondes plus tard, une énorme bulle de morve sortit de sa narine. Psst ! Yolande regarda autour d'elle. « Oui, toi, la licorne !» Yolande n'osa pas répondre. « Je ne veux pas disparaître de ce monde. J'ai tant de choses à y faire. Oh, sauve-moi, je t'en supplie !» La créature tendit une patte soyeuse et colorée vers un crochet rocheux où pendait une clé. Yolande regarda tour à tour la clé, Guider et la créature. La prisonnière jeta un caillou près de Guider. Yolande se retint de crier. La taupe ne bougea pas d'un poil. Dors, rien ne peut le réveiller. Yolande s'approcha de la clé. Malheureusement, elle était bien trop haute. Elle ne vit qu'une solution. Elle goba une minuscule touffe de lichen et après un gargouillement discret, Yolande lâcha le paix parfait. Silencieux et suffisamment puissant pour qu'elle puisse saisir le précieux sésame. Une fois libérée, Yolande vit dans le regard de la créature une lueur qui la mit mal à l'aise. Au même moment, la bulle de morve de Guider éclata. Il se réveilla en sursaut, découvrit la cage ouverte et dévisagea Yolande. « Malheureuse ! Qu'as-tu fait ?» Sans perdre une minute, la créature fila à travers le tunnel. Guider se leva d'un bond, comme frappé par la foudre. Il était si furieux que de la fumée lui sortait des oreilles. « Sais-tu quel mal tu viens de libérer ?»« Un mal ? Quel mal ?» C'était une mignonne petite créature, hein. Si ça se trouve, elle est comme moi, l'unique représentante de son espèce dans la grande forêt. Et vous alliez la faire disparaître. La renvoyer chez elle. Hein ? Quoi ? Avec des cookies ? N'importe quoi, hein. Vous alliez l'empoisonner, ouais. Ce sont des cookies dimensionnels. La seule chose capable de renvoyer ce démon chez lui. Il n'a rien à faire dans notre monde. Alors comment est-elle arrivée chez nous si elle n'a rien à faire ici ? Par la grande forêt ! Bon, il n'y a plus une minute à perdre. Cette créature, si mignonne, possède un terrible pouvoir. Elle fait pourrir tous les végétaux. Ah ! Ah ! Et c'est pour ça que vous l'aviez emprisonnée ici ? Voilà ! Et si elle s'enfonce dans la grande forêt, tout sera perdu ! Yolande s'en voulait. Elle avait commis l'irréparable. Le four siffla, la trappe s'ouvrit. Une délicieuse odeur chocolatée emplit la pièce. Elle fit s'évanouir la culpabilité de Yolande, qui en avait l'eau à la bouche. Guider saisit la plaque du bout des griffes et glissa 5 gros cookies dans une sacoche. Tout n'est pas perdu. Ce démon est encore dans la sylve pétrifiée. Comment pouvez-vous en être sûr ? La sylve est mon royaume. Je sais tout ce qui s'y passe. Mais je vais avoir besoin de tes talons pour la rattraper. Sauf votre respect, je ne pourrai jamais vous porter. Hein. Guider sourit. Yolande était incapable de dire s'il était amusé ou agacé par sa remarque. Le sorcier agita son bâton en marmonnant une drôle de formule. Il rapetissa jusqu'à devenir un cavalier rondouillard de taille convenable. « C'est mieux, comme ça !»« Pour sûr !» Guider grimpa sur le dos de Yolande, qui s'empressa de gober un énorme champignon marron et jaune. Un pet supersonique propulsa l'improbable duo à travers la galerie. En un instant, ils filaient comme l'éclair à travers les arbres pétrifiés pour atteindre la lisière de la grande forêt. Elle devrait arriver par là. Arrêtons-nous. Vous êtes sûr ? La taupe grogna. Yolande se fit toute petite. Guider mit un pied à terre et redevint aussitôt une taupe version sumo. Il ouvrit son sachet et déposa délicatement les cookies à terre. Leur merveilleuse odeur emplit tout l'espace. Yolande voulut les dévorer, mais Guider la saisit par le col et la traîna derrière de gigantesques racines. Une petite boule de poils bleutés ne tarda pas à pointer le bout de son nez. Dès qu'elle passa dans le sous-bois de la grande forêt, tout ce qui se trouvait autour d'elle fana. La créature frissonna de plaisir. Elle renifla l'air, vit les cookies et se jeta dessus. Alors qu'elle savourait son festin, son visage se crispa. Elle toussa bruyamment en se frappant la poitrine. Guider sortit de sa cachette tout sourire. « Navré que ce soit douloureux, mais tu dois retourner chez toi !» Le pelage bleuté de la créature vira au noir. Son regard turquoise devint rouge sang. Elle se jeta sur Guider, toute griffe dehors. Mais alors qu'elle était à 1 centimètre du sorcier, elle disparut dans un splarf sonore. « Ah, c'est fini! La grande forêt est sauvée !» Trop contente d'avoir pu vous aider. Un délice, ces cookies. Yolande, qu'avez-vous fait? Bah quoi? Ça aurait été dommage de gâcher ces délicieux cookies, non? Oh là là là là, je suis toute ballonnée. Le ventre de Yolande gargouilla un peu, beaucoup, puis gronda plus fort qu'une avalanche. Guider articula quelque chose, mais un paix assourdissant couvrit le son de sa voix. Tout disparut. Un instant, Yolande se retrouva flottant dans le vide, avant de se retrouver en enfer. Devant elle s'étalait une étendue dévastée, parsemée d'amas de roches noires, éclairées par un ciel jaunâtre. Au loin, des ombres terrifiantes s'étiraient. Un grognement furieux retentit. Yolande se figea. Derrière elle, une bête bavante se rapprochait. Nouveau gargouillement tonitruant, nouveau paix fracassant, nouveau flottement dans l'obscurité. Et puis, Yolande se retrouva aux côtés d'un Guider abasourdi. « Que vous est-il arrivé, Yolande ?»« Je crois que ces cookies ne sont pas faits pour moi. J'ai vu un monde étrange. Oh, »« Je crois, ma chère Yolande, que vos paix n'ont pas fini de nous étonner. » C'était une histoire de Mathieu Jonel, racontée par Arnaud Guillou. Vous avez aimé cette histoire ? Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt. Il était une fois un petit livre qui partait à la rencontre des grandes figures de la littérature. Ce mois-ci, nos héros ont rendez-vous avec Sherlock Holmes. Un monstre géant terrorise la ville de Londres. Paloma, Enzo et leur chien Pipou résoudront-ils ce mystère ? Élémentaire, mon cher lecteur. Toute l'année dans le Happy Meal, retrouvez une collection de livres pour enfants écrits par Catherine Pancol et illustrés par Lespelli pour partager ensemble une histoire incroyable. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal. Voir le livre du moment en restaurant.